bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene. Tereng, tereng, tereng, tereng, tereng, tereng. J'suis dingue, dingue dans ma tête. J'roule, j'me fais racole au feu par Gitana. J'vois tes frères rentrer pour tes peines à la Fofana. Tereng, tereng, tereng, tereng, tereng, tereng. Pepe Toro Mario e coche la tête. Zamorano ti bacio a Batistuta. Les attaquants au ballon car t'es parti Pukav. Gang, gang, j'fais le mili, j'sors la seca, seca. J'pose avec ma clope, avec mon feka, feka. T'inquiète mon ami, hijo de puta, puta. T'aimes pas ta copine, veut nous faire le boussa, boussa. Tereng, tereng, tereng, tereng, tereng, tereng. T'es dingue, dingue dans ta tête. Et toute la journée j'pense à tous ces caribéros. AG Charkov de litron de Chiramero. Hola, hola, hello girl. Tu toucheras pas la balle, on te fait la brésilienne. Comment ça se passe dans la ville? Bene, bene. Belek, tu sors une arme sans l'arme de Yemma, Yemma. Bene, bene. Bene, bene. Bene, bene. Bene, bene. Chico, chico, hola, hola, hello girl. Tu toucheras pas la balle, on te fait la brésilienne. Elle écoute PNL quand elle est accroupie. J'crois pas que j'suis condamné. A baiser des groupies. Ce soir j'vais me balader. J'vais me rouler un cookie. Au Nizuka, t'es le NDAD. Un putain de pisse. J'dis adieu la vie. La mer à la vie. Algérie, Corsi. Rappelle-nous d'Andy. J'entends crier de Puna. QLF, la chica. Grosse couille dans le CK. Tirant l'air sans ricane. Je n'ai plus peur du noir. J'suis rassuré par le violet. Tu acres, tu acres. Pas le temps de lécher ce au nez. On voit les tiki tiki. Les tiki té. Derrière la fumée, j'aime voir disparaître sa beauté. Ah washa washa washa washa policia. Ah washa washa washa washa madre mia. Pillé sente comme un bouquet. Les miens sont beaux lookés. Le monde ou nada. Bene bene. Bene bene. Bene bene. Bene bene. Bene bene. Bene bene. Bene bene. Bene bene. Chico chico hola hola hello girl. Tu touches pas la balle, on te fait la brésilienne. Comment ça se passe dans la villa? Bene bene. Bella que tu sors une arme sans l'arme de Yemma Yemma. Bene bene.